On n'a pas besoin de prédicateurs, parce que les prédicateurs, c'est des gens qui racontent des choses, déjà très souvent eux-mêmes qui ne maîtrisent pas clairement, en plus des choses en dehors desquelles eux-mêmes se trouvent, donc des choses dont ils sont convaincus eux-mêmes qu'elles sont hors de portée. Alors que le témoin, c'est totalement différent. Le témoin, c'est vraiment comment dire, un témoin vivant, c'est quelqu'un au travers duquel il est clair, il s'exprime clairement que la stature spirituelle de celui-là qui est le fondement de l'Église, elle est accessible aux hommes, elle est l'héritage des hommes. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va vivre un bouleversement terrible. Parce que l'Évangile devient, tout le monde finit par comprendre que, mais oui, mais la portion de la gloire d'Élohim qui est révélée dans sa parole, réellement, elle est l'héritage des hommes. Et encore que même dans le... Si on veut rentrer même dans le vrai, la compréhension du mot prédicateur, ce n'est pas un simple discoureur, c'est-à-dire quelqu'un qui dit des choses qui ne sont qu'une vue de l'esprit, comme il est dit dans les Écritures. Mais comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur, c'est-à-dire des gens qui sont le reflet de ce qu'ils annoncent, qui sont vraiment l'expression vivante? Parce que nous parlons d'une chose qui reste une vue de l'esprit, mais les gens ne sont intéressés. Parce que ce que les gens veulent, c'est des repères vivants. Que l'orientation que vous nous montrez là, est-ce que c'est accessible? C'est ça que les gens veulent. Et c'est ça des vrais prédicateurs qui sont vraiment le reflet clair de ce qu'ils annoncent. Et à partir quand c'est comme quand il y a, on voit ces gens émerger, se révéler, le monde change. Le monde change. Et même le système du monde, il fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il y a des stars. Les stars, c'est pas des vrais discoureurs. C'est des gens qui sont le reflet de ce qu'ils annoncent. Dans leur musique, alors on a des stars un peu partout. Ils sont vraiment le reflet. Et c'est pour ça que ça a un impact puissant sur des masses. En fait, le système du monde même dans lequel nous vivons a œuvré pour ça. Hein. C'est-à-dire que tout le travail des personnes qui collaborent avec Satan directement, qui ont des liens poussés avec lui, notamment les puissances occidentales, ont œuvré dans le sens de brouiller les repères de la gloire qui se révèle dans la parole. C'est-à-dire que l'identité, la vraie identité de Yeshua, révélée dans la parole, demeure un mystère. Parce que si la parole, elle se révèle dans sa gloire, dans sa splendeur, ça veut dire que la vraie identité du Fils de Dieu envoyé pour libérer les hommes, si elle se révèle dans le monde où nous sommes, il faut comprendre qu'il est impossible que le monde puisse prospérer dans sa trajectoire, c'est-à-dire dans la dimension des liens avec les puissances. C'est pour ça que quand tu vas voir très bien, aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est très, très, très, très difficile de mettre la main sur les textes originaux de la Bible. Mm-hmm. Très, très, très difficile. Bon, mais on peut se poser la question, pourquoi c'est là? Mm-hmm. Or, les textes originaux de la Bible, on peut en trouver, par exemple, au niveau du Vatican. C'est-à-dire, c'est des choses qu'ils gardent totalement secrètes. Bon, en voulant établir un lien très malsain entre leurs racines qui sont diaboliques et ce qu'ils appellent l'Église de Jésus, alors qu'eux-mêmes sont très très conscients que la peur pour eux, c'est que le mystère de la gloire de Yeshua soit révélé dans le monde. C'est ça la peur. Parce que le Vatican ou le catholicisme, c'est le porte-parole de la culture occidentale. Culture occidentale qui est la projection directe de Satan, parce que la puissance occidentale sont la représentation de Satan sur la terre. Bon, tout comme l'Égypte l'a été à l'époque où Israël a été subordonné à la puissance de Pharaon. Voilà. Donc, alors, ça fait donc que ces gens-là ont peur, même si le mystère de l'Évangile leur est totalement caché, parce que historiquement, ils savent que quand les gens marchent conformément à la loi, à l'esprit de la loi, c'est-à-dire que ça renverse l'équilibre du monde par rapport à la manière dont eux, ils veulent que cela soit construit. Donc, ils le savent historiquement. Ils n'ont pas la claire perception du mystère de la parole, mais ils le savent. Mm-hmm. Bon, on le voit même dans les époques très anciennes où certains rois comme, je pense que c'était Darius qui avait envoyé des lettres à ses préfets en leur disant de ne pas laisser que les Juifs rebâtissent le temple de Jérusalem. Parce que s'ils rebâtissent ce temple, l'histoire a toujours dit que quand ce peuple a rebâti le temple, il devient une puissance mondiale. Bon, ça c'est des gens qui ont cette connaissance de l'histoire. Et les Occidentaux ont travaillé pour déformer même le sens de l'histoire, pour la déformer totalement. Voilà, en voulant donc établir ce lien totalement malsain entre Rome et ce qu'on appelle l'Église de Yeshua. Bon, et quand vous voyez très bien tous les groupuscules de religions qui se sont formées sur la terre, se réclamant du christianisme, leurs racines, n'est-ce pas, sont les mêmes avec Rome. Donc, tout le problème, donc, à ce niveau. On a donc utilisé la Bible, mais dans la dimension, dans sa dimension littérale, on s'en est servi pour rendre témoignage de celui-là même qui est le vrai chef de Rome, c'est-à-dire Satan. Donc, il y a un travail colossal qui a été réalisé au cours de l'histoire à travers les sociétés bibliques occidentales qui sont même des sang des racines francs-maçons, c'est-à-dire les gens qui s'opposent vraiment à ce que la vérité soit révélée dans le monde. Mmh. Et donc, ils se sont mis dans la traduction de la Bible. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, justifiant qu'on traduit la Bible, pourquoi est-ce qu'on révise les Écritures? On n'a fait que les réviser. On les révise. Et la justification, c'est qu'il faut adapter la compréhension des Écritures au contexte de l'évolution scientifique et technologique. Bon, et en même temps, quand vous voyez très bien que l'esprit qui est derrière l'évolution scientifique et technologique, c'est l'esprit de Satan. Donc, ça veut dire que les Écritures, on doit s'en servir pour parler de Satan. Donc, en fait, c'est des choses qu'ils savent très bien. Parce que si la vérité se révèle, c'est le déclin de la puissance occidentale, c'est le déclin de l'Occident. Donc, ils le font, ils le savent très bien. Donc, ce qu'ils redoutent le plus, c'est même que l'esprit de la vérité, l'esprit de la paix, se serve de la lettre de la Bible, mais pour parler de Satan. C'est ça le problème. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme on a la plupart des gens qui se réclament croyants, hein, on est vraiment au stade totalement animal, on est des âmes vivantes, donc gouvernées par l'esprit du monde, la conscience du monde. Et ne se connaissons donc pas, ne sachant pas que même les mots que nous utilisons, la compréhension que nous avons des mots, est directement dictée par Satan, imposée par Satan. Donc on n'est pas en dehors de lui. Quand nous allons donc dans la Bible, nous la comprenons par lui, selon lui. Hein, c'est pour ça que quelqu'un prend les versets de la Bible, quand il se met à les interpréter, il parle de Satan sans savoir. Il parle vraiment de Satan. Quand on a l'oreille, on l'écoute clairement comme ça. Il faut commencer à être transformé, revêtir l'esprit de la Bible. C'est pour ça que ce que Yeshua est dans sa dimension intérieure spirituelle, qui est la projection de son Père, il est esprit et vie. Hein? Il faudrait bien que le disciple soit construit sur la base de cette identité. Donc, le disciple, ce qu'il devient ici, c'est la projection de l'identité de Christ, l'identité de son maître. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le témoin. Il n'est qu'un instrument au travers duquel celui qui s'est construit en lui, donc qui est esprit et vie, hein, la parole, par laquelle se révèle Elohim, donc il est l'instrument par lequel se projette. Il se révèle, il révèle sa gloire, sa splendeur. En même temps, les hommes se découvrent en lui. Exactement. Ben, et en même temps, le Dieu qu'on parle étant Satan. Hein, parce que je pense que des fois, nous manquons même de la logique dans le simple raisonnement, c'est-à-dire de la logique. Parce que regardez très bien, quand nous voyons un peu l'organisation du monde, bon, les gens qui se réclament de Dieu, entre guillemets, bon, même si dans le fond, pour ceux qui ont du discernement, savent que le Dieu dont on parle, c'est vraiment Satan, mais au niveau embryonnaire. Bon, ces gens-là sont au bas niveau de l'ordre du monde, au bas niveau. C'est-à-dire, ils sont le marchepied de ceux-là qu'ils appellent les païens. Donc, or, c'est qu'est-ce qui fait la force des païens, de l'élite du monde? C'est que c'est des gens qui ont des liens très conscients avec des puissances spirituelles. Bon, il arrive même que ces gens-là sont les repères pour nous. Repères en termes de sagesse, d'intelligence. Nous disons que nous croyons en Elohim, mais quand nous voyons même notre espérance, il ne s'appuie que sur ces gens du monde. Hein, le devenir que nous avons, l'ambition que nous avons pour nos enfants s'inspire de ces gens. Donc, il y a un problème de manque même de logique. Moi, je dis, quand vous voyez Yeshua, par exemple, hein, quand son père se révèle au travers de lui, le lien qu'il a avec son père, hein, il est la parole faite chair. Il a esprit et vie, et cela lui donne ascendance sur toute la création. Lui ne convoite rien, aucune créature, ni celles qui sont en haut, ni celles qui sont en bas. Quand son père se déploie au travers de lui, c'est plutôt lui qui suscite la convoitise des anges, et même des anges méchants, encore moins, encore plus celle des hommes. Donc, Yeshua étant donc ici, l'expression de la nature du vrai juif, le vrai enfant de Dieu, le vrai enfant d'Elohim. Donc, il est donc impossible que tu aies été révélé ainsi en lui, dans sa gloire, et que ton désir soit d'être comme lui, en lui demandant de te rendre comme lui, que lui se bâtissant en toi, et que donc il n'y ait pas, c'est-à-dire qu'on ait un tel peuple sur la terre, qu'il n'y ait pas un changement de rapport de force, un bouleversement des rapports de force. Donc c'est des choses dont les Occidentaux en sont très conscients, hein, très très conscients. Bon, c'est pour ça que de façon très minutieuse, ces gens-là travaillent pour déformer les repères historiques du monde, déformer totalement les repères historiques. Et pourquoi? Parce que progressivement, dans le processus de lien, de la construction des liens entre ces hommes et les démons, l'ambition, l'objectif était quoi? C'est de changer le culte du vrai Dieu, Elohim, occulté de Satan, parce que ça a été annoncé par les prophètes. C'était là leur ambition. Donc, arriver à subordonner toute la terre à l'adoration de Satan, mais à travers la matière. Bon, pendant ce temps, ceux qui ont la primauté, ce sont ceux-là qui ont des liens très conscients, les initiés très conscients avec Satan. D'ailleurs, que vous voyez ces derniers temps, François a commencé à relativiser le terme, le contenu du mot Dieu. Il le relativise. Donc, ce qui montre clairement que ces gens-là, quand on parle de Dieu, l'homme naïf, lui, comprend autre chose. Ce qu'ils entendent par Dieu, c'est totalement autre chose. Bon, il dit dans son interview que pour lui, Dieu, ce n'est autre chose qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est-à-dire ce que je vois. C'est le monde physique, le monde matériel. Dieu, c'est aujourd'hui. C'est autre chose qu'aujourd'hui. C'est que quand il parlait de Dieu, il sait que pour lui, son concept de Dieu, c'est lui qui l'appelle Dieu. L'esprit auquel se réfère n'a rien à voir avec la vérité, avec Elohim qui se révèle à travers son fils dont la parole, lui le sait consciemment. Et il travaille même pour que ce mystère, la vérité, ne soit pas révélé. C'est ça le problème. C'est que c'est les naïfs qui croient que quand François parle de Dieu, qu'il parle vraiment du Dieu Elohim, celui qui a établi l'alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. C'est les naïfs qui pensent comme ça, mais lui sait de qui il parle. Et ceux qui sont avec lui, dans le même esprit, au même niveau culturel, au même niveau de lien, ils savent de quoi ils parlent. C'est pourquoi même dans son interview qu'il a donné, il ne parle pas à la masse, il parle aux initiés. C'est pour ça que c'est très dangereux, très très dangereux, comme les Écritures le disent. Hein. C'est-à-dire que maudit soit celui qui déclare pur ce que Elohim déclare impur. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un fourre-tout. C'est-à-dire que les gens, un regroupement de personnes qui sont subordonnées au mal, qui adorent l'impie, hein, qui appellent Satan Dieu, on les appelle Église. Bon, c'est vrai, le Père tient compte des limites de notre compréhension. Il ne nous impute pas une compréhension, n'est-ce pas, que nous n'avons pas. Il ne nous impute pas les fautes que nous commettons dans une compréhension, quand notre compréhension n'est pas claire par rapport à lui. Mais quand la compréhension est claire, les Écritures le disent bien, maudit soit celui qui déclare impur ce qu'Elohim déclare pur. Ou alors celui qui déclare pur ce qu'Elohim déclare impur. Et c'est pour ça qu'il disait à Pierre, lorsqu'il envoie chez Corneille, ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Et donc c'est vraiment ça, que appeler Église un rassemblement de corps, de personnes qui se retrouvent pour célébrer l'impie à travers le culte de la matière, les appeler Église, c'est comme si nous ramenons Yeshua au stade matériel. On en fait une matière, un adorateur sur la terre qui n'est pas croyant. Bon, mais maintenant, à quoi les gens croient? C'est la question qu'il faut se poser. Mais tout le monde est croyant sur la terre. Tout le monde est croyant. Bon, mais maintenant, la question, la grande question que nous devons nous poser, à quoi ces gens-là croient-ils? C'est ça le problème. Bon, ce que nous savons, c'est que personne ne peut croire en Elohim, si lui-même ne se révèle pas à lui, c'est-à-dire tu ne peux pas croire en celui-là qu'il envoie, si tu n'es pas révélé en lui, donc il faut que tu sois révélé en lui, donc qu'il te révèle le sens de sa parole, bien sûr, à travers laquelle il te révèle sa gloire, sa splendeur, qu'il a mise à la disposition des hommes au travers de son Fils. Donc, à partir de ce moment-là, déjouons donc à ce qui t'est révélé dans sa parole, on parle là, en ce moment-là, de la foi. Ça, c'est totalement autre chose. Bon, maintenant, parlant de croyants tels que ça se parlait dans le monde, tu vas voir, les bouddhistes, ils sont des croyants. Les musulmans, ils sont des croyants. Hein, toutes ces religions que tu vois sur la terre sont des croyants. Et même ceux-là qui se réclament comme étant en dehors des religions, n'ayant pas de religion, c'est des croyants. Donc, si tu veux, ce mot-là, il est extrêmement confus. Il n'a même pas. Premièrement, il pense à l'apôtre Jacques. Il dit si tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, mais même les démons croient, ils crampent. Donc, le fait de croire ne se résume pas par la simple pensée qu'il y a peut-être un esprit qui est au-delà de notre compréhension. Donc, s'il faut rentrer dans le thème croire et dans son originalité selon le Seigneur, croire en Dieu, c'est croire que le Seigneur. Quand le Seigneur fait déjà grâce, c'est bien sûr que la compréhension commence à se clarifier. Croire en Dieu, c'est croire que le Seigneur est capable de nous rendre comme lui. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Parce que quand vous allez dans les textes originaux, Guy, tu comprendras que, en fait, le terme qu'on utilise, Dieu, c'est vraiment un terme extrêmement vague et qui prend à confusion. Voilà. Parce que Dieu, ça, on se réfère à la transcendance. Hein? On se réfère à la transcendance quand on parle de Dieu. C'est pour cela que le Dieu d'Israël s'est révélé à son peuple sous un nom totalement particulier, différent n'est-ce pas, des idoles qui étaient adorées parmi les nations. Il se fait appeler Elohim, se fait appeler Yahvé, par exemple, ce qui le différencie totalement des idoles qui étaient adorées parmi les nations, parce que Satan se fait adorer sous différents noms. Bon, quand vous allez, par exemple, vous prenez l'exemple de l'histoire égyptienne, hein, où il y avait plusieurs formes de Dieu. Soit on appelle Isis, Osiris, ainsi de suite. Mais tout cela se référant à un même esprit. Donc, Satan. Tout cela se référant à un même esprit. Donc, quand on parle du terme Dieu, quelqu'un dit « je crois en Dieu », ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien dire. Ça, c'est important. C'est là où, tu vois, la religion catholique a beaucoup berné beaucoup de gens, notamment quand François, il parle Dieu. Il dit Dieu. François, il te dit qu'il croit. Il dit, il appelle Jésus-Christ. Mais alors que lui, il sait très bien que dans le contenu du mot qu'il appelle Christ, il se réfère à un autre. Bon, et quelqu'un qui n'a pas de connaissance, il va penser que François est en train de parler de celui qui se révèle dans les Écritures. Celui dont la gloire, la nature se révèle dans les Écritures. Donc, il faut même maintenant la connaissance pour commencer à comprendre que ces gens-là, à partir de leur compréhension, leur façon de vivre, ils n'ont rien à voir avec la vérité. Ils sont même les ennemis de la vérité. C'est ça aussi même la marque de notre adhésion à la vérité. Parce que, rappelle-vous, toi que Yeshua disait très bien, il dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un est en moi, il ne marche pas dans l'obscurité, c'est-à-dire il voit. Hein, prends-le comme la parole, hein, par laquelle toutes choses existent. C'est par elle que toutes choses ont été créées. Bon, et si vraiment tu entres dans l'esprit de la parole, tu es de la même nature que la parole, tu te développes dans l'esprit de la parole, par elle tu vois toutes choses, c'est-à-dire ce qui est visible comme ce qui est invisible. C'est ça qui t'amène à ne pas confondre les créatures qui sont spirituelles mais redoutables à Elohim, c'est-à-dire le créateur de tout. C'est là même aussi qui révèle qu'en réalité, nous sommes dans la vérité, et nous grandissons dans la vérité et elle est en nous. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu qu'il se réfère à la vérité, hein, au principe créateur, à celui par qui toutes choses existent. Donc, et c'est donc ce discernement qui vient de la croissance qui nous est donnée dans la vérité, donc en Yeshua la parole, c'est ce développement qui te permet donc de comprendre qui dirige le monde. Parce que toi tu ne vois plus le monde avec les yeux de la tête, mais tu vas au-delà de la dimension physique du monde, tu entres dans l'esprit même du monde, dans la conscience du monde. C'est ça qui te permet, quand on parlait de la France, toi tu ne te limites pas aux composants matériels de la France, tu vas dans l'esprit de la France, dans l'identité même de la France, hein, dans le socle même des fondations de la France. C'est ça qui te permet de comprendre qui est la France. Mais or, l'homme naturel, lui, ne se limite, hein, qu'à ce qu'il voit aux yeux. Bon, et c'est pour cela que l'homme naturel n'arrive pas à identifier l'esprit qui est dans les mots, c'est-à-dire le contenu qui est dans les mots qui sont utilisés pour lui. Quand on parle de Dieu, on se réfère directement à celui qui se révèle dans sa parole, au travers de son Fils. Et c'est ça qui montre qu'on est dans l'obscurité, on est dans les ténèbres. Et en d'autres termes, on ne peut donc pas adorer Elohim si on ne le connaît pas. Hein, les vrais adorateurs, disait Yeshua, mon Père est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent soit de la même nature que lui, donc ils le connaissent. Or, tu ne peux pas le connaître aussi longtemps que tu es en dehors de lui, en dehors de sa nature, de son identité, tu ne peux pas le connaître. Tout à fait. Et puis quand il parle, ce monsieur, lui, il voit, il a une claire lecture de la vraie identité des peuples et des nations. Et quand il dit le Dieu, c'est celui, c'est l'aujourd'hui, il dévoile clairement que pour lui, sa définition de Dieu, c'est les ténèbres. Parce que tout le monde, nous voyons bien que les ténèbres gouvernent aujourd'hui. Pour dire que pour lui, Dieu, c'est le prince des ténèbres. Et il sait aussi que c'est celui qui s'impose à toutes les consciences humaines. Voilà. Et c'est lui, ce qu'on appelle l'Église d'ailleurs, parce que l'Église est un corps qui a une tête et dont la nature de cette tête-là se révèle dans la vie de ce corps. Donc, il sait très bien que ceux qui se réclament croyants, dans le fond, parce que croire, ça veut dire adhérer. Adhérer implique la consécration de tout l'être, du temps, de l'énergie et de l'argent. Il voit très bien que le mode de vie des humains vraiment donne gloire au monde plus qu'aux vertus de Dieu, plus qu'aux commandements que le Seigneur donne aux humains. Donc, il comprend, il révèle clairement que le Dieu, celui qu'il appelle Dieu, c'est vraiment le prince des gens. C'est que pour eux, celui qui est révélé dans la vérité, celui qui est révélé par la parole comme étant le prince des ténèbres, que eux ils appellent Dieu, pour eux c'est le vrai Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui est la lumière. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'en fait, Regardez le terme Lucifer qu'on utilise. Lucifer, ça veut simplement dire la lumière. Bon, et ces termes, c'est eux, ce sont les, si je peux dire, théologiens, entre guillemets, philosophes catholiques occidentaux qui ont attribué ces termes-là à cet ange rebelle, qui est vraiment l'ange des ténèbres. C'est-à-dire que pour eux, c'est lui qui est la lumière. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est Dieu. Donc, en fait, pour ces gens-là, le vrai Dieu est les ténèbres. Le vrai Dieu, c'est la mort. Donc, c'est pour ça que tous ceux-là qui vont se révéler comme étant du vrai Dieu, se révélant en Yeshua, ils méritent la mort. Donc, c'est ça qui est très important à comprendre. Très, très, très, très important. Parce que c'est vraiment une espèce très dangereuse. Parce que pour Satan, tout ce qui est opposé à lui est Satan. Hein? Donc, c'est l'inverse des choses. C'est-à-dire, Satan considère Elohim comme Satan. Alors que c'est lui qui est Satan. Là que la persécution va venir du fait que la vérité se révélant, il faudrait que, puisque pour eux, cette vérité, c'est vraiment les ténèbres, c'est ça la malédiction. Tout à fait. Et quand on voit vraiment, quand on voit comment aujourd'hui, et ces stars dans la musique et tout se déclarent de manière libre qu'ils vénèrent Satan, Lucifer, on peut se demander, mais comment les gens peuvent arriver à ce niveau de déclaration? Bon, et à la réflexion, quand on réfléchit bien, on comprend que nous tous, à la base, nous avons commencé avec une très mauvaise image de Lucifer. On a vu un monsieur, on a une image de quelqu'un de laid, avec des grosses dents, avec des cornes sur la tête, avec une longue queue, dont la méchanceté se voit dans son apparence. Alors que Satan, même quand il a été condamné, il n'a jamais changé dans son apparence. Il est resté un être glorieux. Et c'est que ces gens-là sont arrivés à un niveau de perception de la gloire de Lucifer. Ils ont découvert que c'est vraiment un esprit glorieux, une lumière. Ils ont dit, mais c'est lui certainement qui est Dieu. Surtout qu'il se révèle dans... Satan, c'est un esprit, c'est une intelligence. Donc c'est pour ça qu'il est présenté dans les Écritures comme une gloire. Quand on parle de gloire, on se réfère vraiment à une intelligence, mais une intelligence perverse. Donc qui s'oppose à la vérité. Bon, c'est donc sur la base de cette intelligence que certains sont regardés dans le monde comme étant des génies, hein, que certains transforment l'environnement, que certains sont regardés dans le monde comme étant les maîtres, les instructeurs. Sur la base de cette intelligence, les gens ont des avantages. Hein, absolument. Sur la base des liens qu'ils ont avec cette puissance spirituelle, ils sont regardés vraiment par le monde comme des génies. Voilà. Et c'est cette intelligence qui gouverne le monde, c'est elle. Donc, c'est cette intelligence qui utilise les mots, mais cette intelligence qui est perverse, c'est elle qui est dans les mots. Par exemple, tu prends un mot « richesse » qui se réfère à Elohim, mais cette intelligence vient corrompre ce mot pour te faire voir la richesse ailleurs. Tout à fait. Donc, et le même mot, on dit « gloire », mais l'intelligence, le mot rend témoignage à la vérité. Il parle d'Elohim, mais le même mot, cette intelligence perverse, s'y appuie pour te faire voir la gloire ailleurs. Donc, les mots, normalement, qui sont des outils qui aident à éclairer l'homme, sont devenus des outils qui enferment l'homme dans les ténèbres. Égarement. Voilà. Donc, le problème, donc, c'est celui-là. Quand on parle de Satan, c'est vraiment pas un homme, mais c'est un esprit, donc une intelligence qui gouverne le monde. Or, quand nous voyons bien comment nos vies ont été construites, c'est sur la base de cette intelligence diabolique. Pour certains, inconsciemment, pour d'autres, consciemment. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, on va voir que cette conscience, cet esprit n'est pas en dehors des hommes. Il est dans les hommes. C'est par cet esprit que les gens comprennent. Et c'est par cet esprit que nous sommes opposés à la vérité, que nous avons peur de nous livrer à la vérité. Parce que tellement étant de la même nature que cette conscience, on fait confiance à elle, on croit en elle. Nous sommes même convaincus que c'est elle qui est la sécurité, c'est elle qui est la vérité. C'est ça la vraie définition même du mot « croyant ». Voilà. Donc c'est donc ça le problème. Donc quand les gens parlent croyants, il faudrait déjà qu'ils découvrent leur identité, à partir de quelle conscience ils fonctionnent. Ils comprennent la vie, ils comprennent les choses. C'est sur la base de cette conscience que les prières sont émises. Hein, quand les gens passent du temps à demander le matériel, les prières sont inspirées par Satan, le prince du mal, le prince des ténèbres. C'est lui qui est le père même du péché, comme dit le Seigneur Jésus. Tout à fait. Donc tout est donc à ce niveau... Si vous voulez, le cycle donc de la construction du monde, le cycle de la construction du monde, n'est-ce pas, a pour racine, a pour fondement cela. Bon, ce qui veut dire que dans un système pareil, ceux-là qui ont pris de l'avance sur les peuples de la terre ou l'environnement matériel par leur lien avec les puissances spirituelles sont devenus la représentation de ces anges de la mort sur la terre. Hein? Parce que ce que les gens voient briller comme briller d'intelligence, entre guillemets, n'est que la projection de la nature, de l'identité de ces anges méchants au travers de ces personnes. Hein, vous voyez dans les universités, c'est cette conscience-là, cette compréhension qui est transmise aux hommes. C'est sur la base d'elle que les gens sont construits. Et ça nous montre vraiment comment l'Éternel a voulu bâtir Israël. Il lui donne la loi, sa parole. Par la loi, Israël doit accéder à la connaissance. Il doit revêtir l'esprit d'Élohim. Donc, Israël doit être de la même nature qu'Élohim. C'est pour ça qu'il lui disait, n'imite pas les nations, n'imite pas la culture des nations, n'imite pas l'école des nations. Parce que si tu te détournes de la loi, dans tous les cas, la race d'Israël périt. Et quand Israël, donc, marche selon les principes qu'Élohim lui donne, Israël devient la plus grande nation, parce qu'il devient la projection d'Élohim, son Dieu. Donc, tout se passe donc à ce niveau-là. On finit donc par comprendre que le système du monde, il a une âme, il a un esprit, ce système du monde. Et c'est cet esprit auquel toute la terre est subordonnée, sauf vraiment ceux qui naissent d'en haut, le petit reste d'Élohim. Ceux qui sont révélés dans la parole, sont révélés en Yeshua, qui est la vérité, qui est loin de l'Éternel, qui est le sauveur. Mais bien sûr, en fait, les religions, vous voyez, c'est une arme que Satan utilise, bien sûr, parce que, vous voyez, la plupart des gens aujourd'hui, quand vous avez affaire aux personnes, par exemple, c'est-à-dire que la seule idée que les gens se font de Yeshua, pour ceux qui appellent Jésus partout dans le monde, la seule idée que les gens se font de Yeshua aujourd'hui, c'est celle que les religions leur imposent. La seule idée que les gens se font de Yeshua, que les gens se font d'Élohim, qui est son père, c'est la seule idée que les religions leur ont imposée. Donc ça veut dire que le mystère de l'identité du fils d'Élohim reste entier. Bon, parce que la religion qui a été suscitée par Satan a pour vocation de donner une fausse image du mystère de l'évangile, une fausse image du mystère même de l'identité de Yeshua. Donc comme ça, pour pousser la grande masse de la population du monde à mépriser la vérité, c'est ce qui a été annoncé par l'Esprit du Seigneur, que comme il y a eu les faux prophètes, il y aura dans les derniers temps des faux docteurs. Donc ces personnes-là qui renient Christ, ils renient la vérité, ils introduiront des sectes d'égarement et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Donc, si vous voulez, c'est un projet bien pensé de Satan à travers ses suppôts sur la terre. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'un lien malsain qui est établi par Rome, entre Rome qui est d'essence diabolique, qui est une structure inspirée par Satan pour proclamer Satan avec la Bible. Alors que l'esprit de Rome est totalement opposé à l'esprit de la parole et ne voulant même pas que la parole se révèle. Voilà. Donc, ça fait donc à un moment donné la prolifération des religions qui normalement sont des consciences diaboliques, mais pour le naïf, mais c'est Dieu, c'est Elohim qui s'y exprime. Donc, quand on voit donc Satan se projetant au travers des religions et les adeptes de la religion, mais les gens ont classé Dieu, mais si c'est ça Dieu, mais on n'en a pas besoin. On n'en a pas. Donc, c'est bien pensé par Satan. C'est pour ça que lors de le discours de. Le dernier discours de le monsieur allemand qui a été remplacé par François, il dit beaucoup ont prédit la mort entre guillemets de l'Église. Il dit mais moi je vois l'Église vivante sur la terre, elle est partout sur la terre. Et puis il ajoute en disant être catholique n'a rien à voir avec la simple appartenance institutionnelle. Toute la terre est catholique. Donc il célèbre là la conscience de son maître qu'il voit régir toute la terre. Gouverner la terre, hein? Donc par laquelle les gens s'agitent, les gens désirent, les gens convoitent, ainsi de suite. Donc ces gens-là, ils ont une autre lecture du monde. Donc la religion, ils sont très bien conscients que ça a été un instrument utilisé, bien utilisé, pour soumettre toute la terre au culte de la matière. Parce que si la voie de la religion a utilisé pour décevoir les gens par rapport à ce qui a été présenté comme Christ. Tout ce qui reste dans aux gens, c'est de suivre ce qui est visible, ce qui est matériel. Et comment est-ce qu'on va renverser ça, mon Dieu? La montagne est tellement haute. Hein? Mais c'est pas l'homme qui renverse ça. Celui qui renverse ça, c'est bien le maître suprême du ciel et de la terre. Hein? C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que la force, ce n'est pas le nombre d'individus. La force, ce n'est pas le nombre, c'est l'esprit. Hein, le principe créateur, c'est lui par qui toute chose existe. Donc, ça veut dire que si il se révèle aux hommes à travers sa parole, les hommes auxquels il se révèle, qui aiment la vérité et qui veulent voir le triomphe de la vérité, c'est des gens qui ne mesurent pas le prix à payer. C'est ceux qui montrent qu'ils sont nés de la vérité. Ils se donnent. Comme Yeshua, quand il vient dans le monde, il dit à son père, « Tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, tu m'as fait un corps. C'est toi qui me l'as formé, je te le dispose parce que tu veux t'y établir pour agir, pour secourir l'humanité. » Donc c'est ça qui montre qu'on est révélé dans la vérité. On est né de la vérité parce qu'on découvre l'enjeu. On ne néglige plus la plaie du monde. On ne se préoccupe plus de son petit ventre. C'est-à-dire on ne se fait plus un petit monde à soi. Bon, moi je mange, je bois, tant pis, même si les autres s'écroulent. Donc on commence à crier que quand on se sent soi en danger dans son petit monde. Mais tant que notre petit monde est comme une île qui est protégée dans un monde en débandade, on est calme. Donc en fait, c'est lui qui vient renverser les choses. Il faut qu'il vienne bouleverser les fondations, qu'il vienne changer le rapport de force. C'est bien Elohim qui se révèle dans sa parole. C'est pour ça que c'est vraiment important. Plus on peut se développer dans la perception de l'identité même de Yeshua, à qui le Père a donné autorité et domination sur toute chose, qui est la parole. Si vraiment son identité devient l'héritage des hommes, mais on va voir le bouleversement de choses. Donc le bouleversement de choses, l'une des armes redoutables que Satan utilise, c'est l'ignorance dans laquelle il a enfermé l'humanité. Faisant voir la vie aux gens là où il y a la mort, faisant voir la richesse là où il y a la pauvreté, faisant voir la sagesse là où il y a la folie. Alors ça fait que comme les gens veulent vraiment devenir riches, mais à partir de la pauvreté, ils combattent même la richesse. Comme les gens veulent devenir sages à partir de la folie, mais ils s'opposent même au savoir. Vous voyez, donc ça fait que quand tu as affaire à une telle espèce abrutie, c'est terrible. Donc, comme ce n'est pas une question de nombre, vraiment, il faut que le Seigneur suscite ces instruments-là qui vont... C'est un problème d'esprit. Un problème d'esprit, de la révélation de la vérité. Voulez-vous être partenaire de la vérité? Il le dit, les prophètes l'ont annoncé, il menace les puissances du Nord, il dit, c'est du milieu de toi que je vais susciter une armée, d'hommes et de femmes, que je vais susciter des entrailles de la terre. Au travers d'eux, c'est des gens qui n'ont égard ni à l'or ni à l'argent. C'est des gens qui ont découvert ce qui est vrai, et ils se livrent, et au travers d'eux, il dit, je vais te détruire. Donc, ce qui renverse les choses, c'est la révélation de la vérité. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui gouvernent le monde avec Satan, ils se plaisent à entretenir l'ignorance de la masse de la population du monde. Parce que c'est là que réside leur pouvoir. Et ces gens-là, quand la vérité commence à se révéler, mais dans tous les cas, ils voient la menace de l'ébranlement de leur pouvoir. Tout à fait. Et puis, il y a une image que j'ai à l'esprit. C'est le Christ qui avait été interpellé par les sœurs de Lazare, qui étaient, parce que la maladie, c'est le signe du gouvernement de la mort. Donc, et ils ont envoyé, pendant qu'il était encore, il était encore dans son corps, et il était dans une situation de souffrance avancée, elles ont envoyé le chercher. Et le Christ était avec ses disciples, il a attendu jusqu'à ce que la mort atteigne, que le gouvernement de la mort sur Lazare atteigne son maximum. Bon, et on peut se demander pourquoi est-ce que le Seigneur a attendu. C'était à cause de l'incrédulité, le niveau d'incrédulité des hommes. Il fallait que les gens réalisent que le Seigneur, quel que soit le degré du gouvernement de la mort, il est plus grand que la mort. Quand il se révèle, il a le pouvoir, quel que soit le niveau de la captivité des humains, de les délivrer, de les affranchir. Donc, mais il fallait que l'iniquité atteigne son comble, atteigne son maximum, exprime toute sa force et que le Seigneur vienne révéler qu'il est au-dessus de tout, il est le maître absolu de tout parce que c'est le Seigneur qui fixe le temps et les bornes de leur demeure. Il a absolument la maîtrise de son plan. Il n'est pas effrayé de ce qui se passe sur la terre. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il y a un prophète, qui est allé voir le Seigneur parce qu'il était bouleversé quand il voyait comment Israël, le peuple qui devait être la lumière des nations, s'est retrouvé dans l'idolâtrie. Le Seigneur a posé la question, mais qui enverrai-je? Et le prophète a répondu, mais Seigneur, me voici, Seigneur, envoie-moi. Donc, par rapport à la question de Samuel, en réalité, ces gens qui ont travaillé contre leur propre frère, comme cela a été dit, simplement plusieurs se sont activés ainsi dans l'ignorance. Ils ont simplement été utilisés par l'esprit des ténèbres pour davantage contribuer à l'aveuglement des Africains. Mais plusieurs l'ont fait dans l'ignorance. Ce qui fait que plusieurs de ces prêtres ont besoin de se découvrir face à la lumière. La lumière ne vient que par des humains. Ce qui fait que la vraie prière, c'est Seigneur, donne-moi la grâce, moi, Samuel, moi, Fabrice, de me disposer afin que tu puisses venir en moi